Queuse, Vido, album 8-9 Banditis Pro. Ouais, rap est mystique, pas comme ce monde qui est chaotique. Toujours pour casser les couilles à un flic. Pour se faire du genre art, faut rentrer dans le biz. Mais j'ai pas encore pris ce risque. Au micro, je communique, mes rôles passent hors d'un brolique. Alors clique, clique, écoute ce son. Mes lyrics sont déforgés par la brique. J'écris des textes crus dans le RAP, je suis un sadique. Les gens, la politique et les flics, je les nique. Je suis euphorique, mes textes sont sarcastiques. Je suis pas ironique, mais plutôt héroïque. J'ai mes propres répliques, au micro, je m'implique. Et dans mes je m'implique, je pense à ma clique. À ces moments fatidiques, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était magnifique. Je passe la deuxième, je suis en rupture. Je trouve pas toujours les mots qu'il faut. Mes textes sont remplis de ratures. Je sature, que me réserve le futur. De mes conneries, j'ai payé mes factures. Et de mes bastons, j'ai payé mes fractures. Viens dans mon 8900 si tu veux voir du sang pur. Je passe la troisième, j'exprime tout ce qui me tracasse. Dans le rap, j'espère bien laisser une trace. Et si t'as pas aimé mon son, bah va niquer ta race. Si tu savais tout ce que j'ai vécu, les soirées en JAV, galère et sel sur le pavé. Des fois je me demande si j'étais pas en train de rêver. La quatrième est enclenchée, la vie est dure. Mais c'est pas le moment de flancher. Tous les jours, la mort peut venir te chercher. Putain, je viens juste de me faire flasher. Ce bâtard de radar était bien caché. Je passe quand même la cinquième. Sur ce son, je suis à fond et je se fond. La sixième s'accroche comme ma main dans une sacoche. Je pense à R-I-C-E-U-S. J'espère que tout se passe bien dans sa tête. Car la O, c'est la S. Faut se faire respecter où tout le monde te met à chaise. Je représente mon S-N-D-I-K des rimes. Dans le rap, toujours illicite. C'était V-Y-D-U-S.